présent dans à la thématique principale, la Fédération de Russie qui va assurer pour tout le mois d'avril la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, une pluie de réactions, les sorties médiatiques venant déjà du ministre ukrainien des Affaires étrangères qui a déploré cela en affirmant, je cite, que la présidence russe du Conseil de sécurité des Nations Unies est une gifle au visage de la communauté internationale, selon lui, dont les membres actuels de l'organe exécutif de l'ONU doivent contrecarrer toute tentative de la Russie d'abuser de sa présidence. Et il faudra aussi noter la sortie de la porte-parole de la Maison Blanche qui a déclaré que nous nous attendons à ce que la Russie continue à se servir de son siège pour propager de la désinformation et essayer de tourner l'attention de ses tentatives de justifier ses actions en Ukraine et les crimes de guerre que les membres de ses forces armées commettent. Fin de citation. Pas seulement ces deux différentes sorties, ces deux sorties médiatiques, il y a eu plusieurs sorties médiatiques, mais également il y a eu des messages, j'ai envie de dire, de félicitations venant de géopoliticiens, d'analystes politiques, de panafricanistes même, qui vont cela, comme l'a souligné plusieurs observateurs étrangers, une gifle à l'endroit de l'Ukraine et ses alliés. À cet effet, M. Alain Jules Meunier, que craignent, je cite, l'Ukraine et ses alliés, pour reprendre dans les propos de ces géopoliticiens. Pourquoi cette présidence assurée par la Fédération de Russie fait-elle peur? Je veux dire, en fait, la réalité, elle est tout autre. Hein. En fait, il s'agit d'une grosse propagande. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui maîtrise les relations internationales, pour quelqu'un qui maîtrise la géopolitique internationale, il faut comprendre que la présidence, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité est tournante. Ça veut dire que les pays qui y sont héritent, n'est-ce pas, de cette présidence-là de manière tournante sur l'année. D'ailleurs, la Russie, sa dernière présidence, c'était, je crois, si j'ai bonne mémoire, en mai ou en avril 2022. Donc, ça veut dire que c'est une présidence tournante et ça cache beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, n'est-ce pas, tous ceux qui lancent aujourd'hui des cris d'orfraie se cachent derrière quelque chose. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui profitent, en réalité, quand ils sont à ce poste-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe vraiment quand on est président, n'est-ce pas, de cette présidence, excusez la répétition, de cette présidence tournante, ça permet de convoquer des réunions, simplement. Donc aujourd'hui, il faut savoir à quoi sert aujourd'hui le Conseil, en réalité le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein, c'est pour la paix dans le monde, c'est pour la sécurité, quoi d'autre. Donc en réalité, il faut savoir quelque chose. Dans 5 jours, là, il y aura une réunion le 10 avril prochain. Donc forcément, que va convoquer la Russie par rapport au fait que la Russie est aujourd'hui, n'est-ce pas, hérite de cette présidence-là. Alors, cette réunion, l'intitulé, je crois, sera, si j'ai bonne mémoire, hein, je n'aurai pas les termes exacts de cette réunion-là, mais ça concerne quoi? Et vous allez comprendre pourquoi il y a ces cris d'orfraie. Ça concerne en fait la violation des accords réglementant, je crois, l'exportation d'armes et d'équipements militaires. Vous voyez à peu près, ça veut dire que la Russie pourra effectivement, lors de cette réunion-là, dénoncer le fait que les Occidentaux, les Américains, livrent des armes à l'Ukraine. Donc, il y a quelque part une espèce de violation, n'est-ce pas, du droit international avec ces livraisons-là. Donc, ça veut dire quoi? Ces pays-là savent très bien qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont en faute. Et donc, la Russie pourra dénoncer cela. Mais la Russie pourra faire quoi? Forcément rien. Parce que rappelez-vous que ces grands pays-là violent cette charte-là des Nations Unies depuis l'ère du temps. Qui se souvient encore, n'est-ce pas, de la fiole brandie par le ministre, je crois, des américains, je crois c'est Powell, n'est-ce pas, qui avait brandi une fiole à l'ONU en accusant, n'est-ce pas, je crois c'est une fiole d'anthrax, hein, en accusant l'Irak, je crois 2003, de produire des armes biologiques, de destruction massive. C'était un faux grossier et ça, c'était uniquement pour le pétrole. Alors, ces gens-là qui sont habitués justement à une propagande, à tromper, n'est-ce pas, le monde entier, avec justement cette propagande, accusent les autres en réalité de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils se disent que bon, la Russie fera écho de ces réunions-là. D'autant plus que le 24 avril, parce qu'il faut connaître le calendrier de cette présidence-là, le 24 avril, il y aura encore une autre réunion. Et cette réunion-là sera présidée par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Donc, ces gens ont peur parce qu'il se rendra effectivement à New York. Et là, on parlera de quoi encore? On parlera encore de cette affaire de livraison occidentalo-américaine d'armes à l'Ukraine. Donc, ce sont les réelles craintes. Et bien évidemment, les médias occidentaux ne vous diront pas ça. Donc, voilà ce que cache en réalité, n'est-ce pas, tous ces pleurs-là qu'il y a aujourd'hui, alors que bon, considérant que cette présidence est tournante. D'ailleurs, je crois que c'est les Mozambicains, c'est le Mozambique qui était à cette présidence-là. Donc, aujourd'hui, c'est la Russie et ce sera pendant un mois. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas quelque chose qui va réellement se passer sur le terrain. Mais alors, ces gens ont peur parce que ce sont des agrégés en propagande et se disent que finalement, on va les, passez-moi l'expression, on va les déshabiller. Parce que la Russie va mettre sur la table cette violation justement sur les livraisons d'armes. Parce que c'est complètement illégal. Alors quand on entend des gens dire que voilà, Chine livre des armes à la Russie, il faut les punir. Je rigole quand on entend ce genre de discours-là. C'est-à-dire que la doxa occidentale est telle que ces gens, ils sont en niveau, ils ne réfléchissent plus. C'est-à-dire qu'ils prennent de haut tout le monde, notamment la Chine, et pire, la Russie, qui est quand même une puissance nucléaire, il faut faire très attention. Je crois que ces gens-là, ils sont justement dans une dynamique où ils ne savent plus s'arrêter et où, en sous-estimant énormément les gens comme ils l'ont fait pour la Russie, ils sont en train de se prendre justement comme le disait l'humoriste interviewé ici en France, Dieudonné, ils sont en train de se prendre des quenelles. Et c'est ça qui va se passer sur le terrain. En Ukraine. Connaît l'Ukraine passée pour chuter. Cette là qui crie, ces gouvernements qui crient, n'ont pas fait de journalisme, justement, ça les journalistes, en 2014, lors du coup d'État du Maïdan en Ukraine. Parce qu'il faut savoir que la Russie a été trop patiente en Ukraine. Parce qu'en 2014, quand il y a le coup d'État, ces gens-là, les populations du Donbass, disent non. Nous, on ne veut pas ce coup d'État-là. Nous sommes russophones et nous, on préfère avoir notre indépendance à défaut de se rattacher à la Russie. Mais les gens ne vous diront pas ça. Ils vous diront que la guerre en Ukraine, c'est la Russie qui agresse en fait l'Ukraine. Alors que c'est complètement faux. Il faut savoir que la Russie était très patiente. Et bien évidemment, les gens de l'OTAN, ce sont encore des propagandistes qui ont menti, qui n'allaient pas se rapprocher des frontières russes, mais ne font que se rapprocher des frontières russes. Et donc, il y a un problème au niveau de la sécurité de la Russie, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a cette guerre-là. Il faut le savoir, et il faut le dire aux gens, que la junte ukrainienne, depuis 2014, n'a cessé de bombarder des villes comme Donetsk, dans le Donbass, et en tuant des civils uniquement. Il faut le savoir. Mais là, cette presse qui crie au loup, cette presse, n'est-ce pas? Tout à l'heure, Jamel parlait de RSF, ils ne se sont jamais plaints. Ils ne se sont jamais plaints. J'entends aujourd'hui Amnesty International qui est en train de dire que, mais voilà, il y a deux poids, deux mesures. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, oui, c'est dommage qu'on se focalise sur l'Ukraine alors qu'il y a des guerres ailleurs. C'est-à-dire qu'en RDC, on ne regarde pas. Mais ils auraient pu dire, n'est-ce pas, Amnesty International, que voilà, depuis 2014, nous avons gardé le silence parce que le régime de Kiev passer son temps à bombarder les pro-russes, il faut le savoir. Mais pourquoi ces gens se sont tués? Ben simplement parce que ils sont, c'est-à-dire, je parle des ONG, financés par ces gens-là. Et bien évidemment, si leurs intérêts ne sont pas en jeu, je vous dis, je vous garantis qu'ils ne diront absolument rien. Donc, aujourd'hui, voir la Russie au niveau de cette présidence-là, ils ont peur des vérités et ce que la Russie révélera par rapport à, n'est-ce pas, à leur combine, par rapport à leur mafia, n'ayons pas peur des mots, qui se passe au niveau international. Jamel précisait que voilà, il y a quatre pays qui se disent communauté internationale. Mais au nom de quoi? Donc, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, les gens comprennent beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce ne sera plus jamais comme avant, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une presse libre, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent la vérité et n'ont peur absolument de rien. Donc, stop à cette propagande occidentale qui fait croire que ce sont les autres qui sont des propagandistes, alors que c'est eux, justement, les premiers propagandistes au monde. Voilà. Alors, Monsieur Jonathan Batenguené, pourquoi tant de contestations? La Russie est-elle un danger ou bien? Vous savez, au lendemain du lancement de l'opération militaire spéciale russe, 24 février 2022, Biden, Macron, Scholz et puis les trois associés de Londres, Johnson, Truss, aujourd'hui Sunak, dans la même lancée, mais Johnson à l'époque, avait dans un concert tonitruant, digne des philharmonies de Mozart, sonné l'alerte en disant que la Russie devait être isolée, que la Russie devait devenir infréquentable, que personne n'allait plus accepter la Russie dans le Conseil des Nations. Biden avait même trouvé une formule, il a dit les Russes se sont mis en marge du Conseil des Nations. Donc pour eux, la Russie devenait un État paria. Et, à contrario, le clone sanglant de Kiev, dit Zelensky, se présentait comme étant le nouveau Zorro, si ce n'est le nouveau zéro du monde, sacrifiant son peuple et tenant des discours devant un parterre de diplomates. Quand ce n'est pas les diplomates, c'est les artistes. Et quand ce n'est pas les artistes, c'est les parlementaires. Il était reçu. Et partout où il passait, il n'avait qu'un message. Ne recevez plus Poutine. Ne recevez plus la Russie. Ils ont appelé ça l'isolation de la Russie. Nous en sommes aujourd'hui à 410 jours. Faisons une évaluation. Plus d'un an après, c'est le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, quand la Russie va prendre la présidence du Conseil de sécurité le 1er avril, interrogé par une chaîne première de Pologne, il répond que contrairement à notre idéal qui aurait consisté à isoler la Russie, la Russie est davantage soutenue par les peuples du monde. Il n'a pas dit par les peuples d'Europe de l'Est, par les peuples du monde. Un sondage réalisé même aux États-Unis a révélé que plus de la moitié des États-Unis sont contre l'isolation de la Russie. Comme quoi les États-Unis rament, les autorités états-uniennes rament à contre-courant de l'opinion majoritaire dans leur pays. En Europe, un autre sondage a révélé que une bonne partie de la population européenne est contre la tentative d'isolation de la Russie. Comme quoi la tentative d'isolation de la Russie est impopulaire sur le territoire européen. J'ai pris ces deux territoires parce qu'on nous dit toujours là-bas que c'est les temples de la démocratie. Les zones où quand le peuple tous, le dirigeant se couche. Mais on voit bien que là-bas, il y a des dirigeants qui bâillonnent, qui molestent et qui emprisonnent chaque fois que l'opinion majoritaire se met en travers de leur sombre dessein. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La Russie prend le Conseil de sécurité et va mettre en difficulté l'idée même d'une tentative d'isolation de la Russie. La Russie montre même que dans cette tentative, elle a réussi à survivre non seulement la tentative, mais elle est devenue davantage une puissance qui compte. Vous savez, son représentant Polianski, quand il prend la parole le 1er avril, il dit, nous allons être un intermédiaire honnête. Intermédiaire honnête. Et vous vous souvenez que c'est une pique quand on prend les discours de Vladimir Poutine concernant l'Occident. Vladimir Poutine a toujours dit que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Donc, quand il dit honnête, c'est à contrario des menteurs, des malhonnêtes. Il dit, nous serons l'intermédiaire honnête. La Russie réussit ici son pari. Mener son opération militaire spéciale, rester intégrée dans le Conseil des Nations, et même encore jouer un leadership au sein de ce Conseil. La Russie a dit qu'elle va apporter des changements majeurs dans la réorganisation du monde de demain. Ce pari également est réussi. Parce que cette présidente du Conseil de sécurité va permettre à la Russie certainement de poser sur la table les dossiers qui fâchent. Souvenons-nous qu'ils disent qu'ils seront un intermédiaire honnête. Ça veut tout dire quand on va mettre dans honnête quelque chose. Que eux, ils ne vont rien cacher. Ils vont être transparents. Ils vont poser tous les dossiers, y compris ceux qui énervent leurs adversaires. Les Russes ont réussi à plusieurs égards leur pari. Les Russes ont aussi pris à contre-rebours, ou ont aussi pris à rebours, pardon, les arguments de Joe Biden, repris par son larbin de suiveur, le chef de la jeune française Emmanuel Macron. L'argument, c'était lequel? Biden dit que les États-Unis sont la tête de proue d'un ordre mondial basé sur les règles. Il dit, contrairement à nos adversaires, et son larbin de chef de la jeune française vient nous expliquer que, en fait, nos adversaires utilisent nos faiblesses parce que nous, nous respectons toujours les règles et eux, ils vont prendre nos faiblesses pour les présenter au monde comme étant la preuve que nous sommes comme eux. La Russie les prend au mot. Il y a quelques jours, à la table de ce Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont proposé une commission d'enquête conjointe pour les sabotages de Nord Stream, des gazoducs Nord Stream 1 et 2. C'est ces pays-là qui ont manœuvré. Ces gens qui disent qu'ils aiment les règles. Hein. Les statuts des Nations Unies prévoient qu'en cas de situation qui pose problème comme celle-là, c'est-à-dire sabotage d'un élément vital pour la sécurité d'un pays, eh bien, l'on puisse créer soit une commission ordinaire, soit une commission spéciale, soit une commission ad hoc. Dans le cas de la création d'une commission ordinaire, la Russie dit créons une commission d'enquête, ce qui est prévu par les textes. Et les gens qui vous disent qu'ils respectent, ils font l'ordre mondial basé sur les règles. Ils disent, non. Vous savez qui sont leurs commissions d'enquête? Les journaux. Wall Street Journal. Dont la thèse est reprise par presque tous les médias occidentaux comme étant désormais la thèse officielle sur le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Vous savez ce que dit Wall Street Journal? Ils disent que le sabotage de Nord Stream 1 et 2, c'est le groupe pro-ukrainien. Mais ils nous prennent pour des écervelés. Les groupes pro-ukrainiens, questionnons-nous sur leur capacité. L'Ukraine a-t-il les moyens d'attaquer un gazoduc à 1 km de profondeur? Même la France, qui n'est pas en guerre, et d'ailleurs dont on dit les capacités redoutables, il paraît qu'elle n'a pas cette technologie. La France, hein? Pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas l'arme nucléaire. La France en a. Mais la France ne peut pas le faire. Alors, l'État ukrainien ne pourrait pas le faire. La France même ne pourrait pas le faire. Mais les groupes pro-ukrainiens, groupes, c'est-à-dire les citoyens informels, organisant sur le plan informel, dont l'État n'a pas les capacités de commettre un acte, disposent de la technologie nécessaire pour cet acte. Ne sommes-nous pas en sorcellerie? C'est ce genre d'argument que Wall Street fait gober aux populations du jardin, si ce n'est de l'enfer du monde. C'est ce que nous a dit Borrell, non? Qui sont dans un jardin où ils endorment leur population, on leur a montré de très belles choses, alors que c'est des mensonges. Vous savez, Dante Alighieri, dans sa description de l'enfer, reprend un peu l'image de Borrell. Peut-être que Borrell devrait relire Dante. Il devrait comprendre ce qu'on appelle un jardin. Donc, quand vous avez ces thèses qui sont admises, les Nations Unies devraient faire la lumière. Mais la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne vous disent non, pas de commission d'enquête. Pourquoi pas de commission d'enquête? Parce qu'un journaliste sérieux comme Seymour Hersh nous révèle que le type de technologie qu'on a utilisé pour saboter ce genre de gazoduc, il n'y a qu'un pays qui peut le faire. En dehors de la Russie, ce pays, c'est les États-Unis. Et que s'il faut le faire encore ce jour-là, il y avait des drones états-uniens qui étaient à une certaine position. Et qu'à ce moment-là, il y a un satellite espion états-unien qui était justement encore sur la zone. Il dit, pourquoi les États-Unis ont placé tous ces éléments? Et quand on regarde que les Russes ont réussi à pirater le téléphone iPhone de Liz Truss, quand elle était Premier ministre, elle a dit merci aux États-Unis. Après, une minute après le sabotage. Quand on prend ce message-là et qu'on demande à Liz Truss, mais pourquoi tu leur disais merci? Elle était tellement embarrassée, elle n'arrivait pas à se reprendre. Quand on prend encore le message, le tweet de ce député, ancien ministre des Affaires étrangères, polonais, où il disait merci aux Américains pour Nord Stream. Et que dès que l'opinion internationale s'est levée pour lui dire, mais pourquoi vous dites merci pour Nord Stream? Et que ce dernier s'est précipité de supprimer le tweet. On comprend très vite pourquoi les gens-là ne veulent pas une commission d'enquête. Parce que les vrais responsables des sabotages de Nord Stream 1 et 2, et donc de sabordage des efforts de paix et de sécurité internationale, c'est ce bloc de l'OTAN. Les Russes sont en train de les prendre au mot, en leur montrant que vous ne voulez pas des règles. Vous ne voulez pas d'un système international basé sur les règles. Vous voulez d'un système international basé sur l'arbitraire. Nous nous sommes restés dans le jeu. Nous allons jouer le jeu, mais nous allons retourner le jeu à notre avantage. En d'autres termes, les Russes sont en train de battre le bloc collectif de l'OTAN et de l'Occident à son jeu sur les règles que ce bloc-là a conçu à son propre avantage. Alors, Monsieur André-Christel Fanga, que va changer la présidence russe? Une présidence qui est assurée par la Russie pour tout ce mois d'avril, mais qui suscite de vives polémiques. Que va changer cette présidence russe? Alors, il faut comprendre une chose. En une minute, tout peut changer. Il faut d'abord expliquer ça aux téléspectateurs. En une minute, tout peut changer dans le monde. Il a suffi d'une décision d'un chef d'État américain dans son bureau ovale. L'Irak a été attaqué, l'Afghanistan a été attaqué. Et dernièrement, nous avons vu avec la situation de Bachar al-Assad. Donc vous comprenez que dans un contexte historique et géopolitique, ces situations ne sont pas hasardeuses. Un certain dimanche 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire, l'attaque de Sarajevo. N'est-ce pas? Vous vous rappelez bien, si vous allez dans l'histoire, vous allez vous retrouver que c'est l'attaque de Sarajevo qui a causé la Première Guerre mondiale. Donc il y a des petites décisions qui peuvent engager le monde dans une guerre infernale. Et tout ça, c'était une guerre de petits clans qu'on pensait que non, c'était des petits groupements, alors qu'en réalité, se cachait une grosse stratégie mondiale pour attaquer certains pays ou pour détruire l'ordre établi qui était là. Donc aujourd'hui, la présidence du Conseil de sécurité par la Russie, c'est normal que l'Ukraine dise que c'est une mauvaise blague. Parce qu'ils ne s'attendaient pas que la Russie pouvait prendre la tête du Conseil de sécurité. Parce qu'à l'intérieur, des décisions hyper importantes peuvent être prises et qui peuvent mettre en mal et l'Ukraine et les États-Unis et tout, en fait, tout ce bloc de l'OTAN. Donc aujourd'hui, ça ne peut que faire peur parce qu'en réalité, ça donne encore une visibilité à la Russie de mieux dire ce qu'ils pensent au monde, de mieux dire ce qu'ils font en Ukraine, de mieux dire, n'est-ce pas, de mieux poser même des bases d'une vraie justice. Nous voulons saluer quand même le procureur de la CPI qui a pris quand même une décision courageuse de délivrer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Voyons, le vice-président du Conseil de sécurité russe lui a rappelé qu'en marchant, s'il te plaît, regarde en l'air, parce qu'à tout moment, quelque chose peut arriver avec ta décision. Donc, tout peut arriver à tout moment. Donc, vous voyez que c'est des prétextes. Et donc, nous voulons dire que ces histoires, c'est des petites choses que nous négligeons, mais qui sont en réalité les jalons ou bien les bases, les bornes, les éléments qui constituent une guerre ou bien qui provoquent des guerres mondiales ou bien des guerres fratricides qui divisent des blocs. Parce que nous savons quand même que la Russie aujourd'hui à la tête du Conseil de sécurité, ben, tout ce qu'on reprochait au bloc de l'OTAN sera mis sur la table. Et ça sera, les preuves vont être démontrées parce qu'en réalité, la Russie a toutes les preuves nécessaires. Et je pense que ça va aussi aider peut-être le Mali qui a ses preuves-là depuis contre la junte française, n'est-ce pas? Peut-être ça peut aider quelques pays qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de paroles, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a deux blocs dans le monde qui sont en train de s'affronter. Le communisme et le capitalisme sont en train de s'affronter, et sur tous les terrains. Le terrain de la communication, le terrain économique, le terrain social, sur tous les terrains. La guerre est sur tous les terrains. En fait, il ne manque que la guerre globale qui sera le déclenchement des armes nucléaires. Et nous voulons saluer quand même aussi la justice américaine. Vous savez que Donald Trump a été inculpé parce qu'il a financé, je ne sais pas, une escort girl, n'est-ce pas, avec l'argent de la campagne présidentielle. On ouvre une enquête sur un ex-président. Alors, on n'a pas ouvert le Conseil de sécurité et tout le reste n'a pas ouvert les enquêtes sur M. Bush le boucher. D'ailleurs, les deux, que ce soit Bush père, Bush fils, des terribles bouchers, des bouchers humains qui tuent comme ils veulent. On n'a pas ouvert d'enquête, rien du tout. On n'a pas ouvert d'enquête sur Obama. On n'a pas ouvert des enquêtes sur tous ces gens-là. Mais en réalité, on ne s'acharne que sur la Russie. En fait, quand les Américains font la guerre, c'est une guerre sainte. N'est-ce pas? C'est une guerre bénie. Quand les Américains attaquent, détruisent, tuent, vraiment, c'est sur la bénédiction du Seigneur qu'ils le font. Donc, quand les autres défendent leur territoire, ce n'est pas... Non, ce n'est pas juste. Ils ne doivent pas... Mais, Jonathan, quand la Russie prend la tête du Conseil de sécurité. Oui, monsieur. Ils vont mettre sur la Nord Stream, on doit faire les enquêtes. Il doit avoir une commission. Le Mali, on doit faire une enquête. On doit faire toutes ces enquêtes-là parce que la réalité, elle est là. Vous avez longtemps trompé le monde. C'est pour ça que l'Ukraine tremble. Le clown, vous l'avez appelé le clown, n'est-ce pas? Le clown sanglant de Kiev. De Kiev. Tremble. Parce qu'en réalité, on ne comprend pas. Comment vous donnez ce pouvoir-là, Poutine? D'ailleurs, pour revenir, c'est le même cas, hein, pour revenir sur une situation africaine, vous savez que le Tchad a refusé que le Mali prenne la tête du G5 Sahel parce que la France a imposé que monsieur, il ne faut pas que le Mali, qui est persona non grata, soit à la tête de cette, d'une organisation comme celle-là qui est le G5 Sahel. Il a failli encore avoir cette manipulation encore du Tchad au niveau du Tchad et du Gabon, n'est-ce pas? Et du Congo, bien sûr, au niveau de la CEMAC, par rapport à la tête de la CEMAC, qui est une plaque tournante, n'est-ce pas? Une présidence tournante à cause de Touadéra, qu'on sait qu'il est pro-russe. Donc vous voyez que l'inquiétude au niveau du Conseil de sécurité ne s'arrête pas seulement là-bas. Avant, ça s'est produit dans toutes les organisations qui sont apparentées à la France ou bien aux Occidentaux. Ils font tout pour que des États conscients que l'humain doit être au centre, alors ils ne sont pas d'accord. Il faut des bouchers à leur tête. Il faut des gens qui n'ont pas de sentiments, qui ne veulent pas protéger l'humain, parce que si la Russie, qui a pris l'engagement de sauver l'humanité aujourd'hui, il a suffi que Poutine se lève et pour que le Covid s'arrête. Vous avez vu vous-même. Il a fallu que Poutine se lève pour que les massacres au Mali s'arrêtent. Les massacres de la junte française, n'est-ce pas, au Mali s'arrêtent. Il a fallu des décisions courageuses. Il a fallu que la Russie décide, se lève pour que la Centrafrique aujourd'hui ne soit plus saucissonnée, ne soit plus sur la table de la junte française en train d'être saucissonnée ou bien coupée comme du beurre. Parce qu'à chaque instant, à chaque un an, deux ans, trois ans, la Centrafrique a une rébellion explosait quand ils n'étaient plus d'accord avec celui qu'ils avaient placé à la tête. Aujourd'hui que la Russie a placé ses pieds en Centrafrique, il y a du calme. On a passé quand même un mandat présidentiel calme. Donc vous voyez qu'en réalité, l'impact de la Russie au Conseil de sécurité est planétaire et mondial. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à partir de cette présidence-là. Il y a des enquêtes qui peuvent aboutir parce que si la Russie, ils ont les éléments, c'est Jonathan qui le disait tout à l'heure. Vous savez qu'on avait piraté le téléphone de l'Istros et les SMS et les messages et tout était... et dès qu'elle a dit merci aux Américains, c'était d'ailleurs, on était tous au courant qu'en fait, elle disait merci par rapport au travail que les Américains ont fait sur Nord Stream. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la Russie aujourd'hui représente un danger énorme pour le bloc occidental, pour le bloc de l'OTAN, pour le bloc de l'impérialisme, du colonialisme, de ces gens qui ne veulent pas voir les vrais êtres humains vivre normalement sur la terre que Dieu les a donnée. Parce qu'en réalité, on est en guerre, il y a des non-êtres humains et des êtres humains. Et c'est pour ça que quand vous suivez le discours de Poutine, il vous dit que il va protéger les vrais droits de l'homme, pas les droits de l'homme imposés par l'Occident aujourd'hui, qu'un homme avec un homme, c'est les droits de... et ils ont les droits. Une femme avec une femme, ou bien d'ailleurs même l'Espagne. Vous savez que l'Espagne vient de légaliser la zoophilie. C'est-à-dire un homme peut aller avec un animal, que ce soit un animal domestique et tout, pourvu que cet animal ne soit pas malade. Donc, en réalité, il légalise la zoophilie. Donc, vous voyez des états comme ça, à l'état primitif, c'est même primitif, même c'est même c'est simple. En fait, c'est des états démoniaques. Monsieur Djamel Guessom, la Russie un danger ou bien? La Russie est un danger pour le danger. Donc, in fine, c'est plus un médicament qu'autre chose. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, et cela a été très bien dit par mes prédécesseurs, sur l'intérêt que la Fédération de Russie soit présidente du Conseil de sécurité. Et j'ai bien entendu l'intervenant précédent qui précisait que il se pourrait que ce que demande le Mali et ce qu'a demandé le ministre des Affaires étrangères sur les éléments de preuve qu'il a démontré sur l'intervention française, je dirais illégale et en lien apparemment, en lien avec les terroristes, puisse être démontrée. Et j'espère que cette présidence de la Fédération de Russie permettra de mettre au jour un certain nombre de dossiers. Ça a été dit par mes prédécesseurs sur aussi bien la question des livraisons d'armes, que l'intervention au Mali et sur bien d'autres choses. Et donc, effectivement, alors c'est une présidence d'un mois, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas. Hein. Et donc, en un mois, le collègue, juste avant, avant, disait qu'il y avait deux réunions de mémoire, le 10 et le 24. J'espère qu'il y en aura deux pour permettre de mettre en évidence des choses qui ne pouvaient pas être abordées autrement. Effectivement, c'est quand même une claque dans la figure que d'être présidé par ce que l'on attaque. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que je ne sais pas si c'est de la stupidité organisée, si cela relève d'un problème d'ordre psychiatrique, mais quand on veut appauvrir un pays qui devient encore plus riche, je ne sais pas comment on fait cela. Lorsque l'on veut isoler, c'est le terme qui a été utilisé, la Fédération de Russie, et que l'on met au premier plan international, alors je me pose moi des questions très sérieusement, de par mon expérience, sur la santé mentale des personnes qui ont pris cette décision de vouloir, je dirais, effondrer économiquement la Russie. Le ministre de l'économie française, par ailleurs, qui avait déclaré une guerre économique, et faire que la Russie soit encore plus riche, de vouloir isoler un pays et de faire que, en finalité, ce soit le pays qui soit le seul contre tous derrière lequel, et Dominique de Villepin, l'ex-ministre des Affaires étrangères, l'avait bien précisé, que tous les pays, la plupart des pays, sont derrière la Fédération de Russie comme étant le pays du seul contre tous. Et c'est une notion importante, aussi bien sociologique que le seul contre tous, c'est qu'on se met toujours, on n'a pas envie d'être des moutons, en général. Donc on se met toujours vers celui qui est seul, contre tous. Et donc, de ce point de vue, je ne sais pas où toute cette histoire va mener. Le président interlocuteur avait dit, et il a tout à fait raison, sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et c'était basé, et c'est vrai, basé sur des éléments politiques et militaires qui ne pouvaient pas laisser présager d'une Première Guerre mondiale. Et donc, nous sommes dans cet akabila. J'aimerais aussi, et j'en terminerai là, dire, et c'est un peu l'image que j'ai aussi bien du président Macron que des autres chefs d'État européens. Les États-Unis, eux, sont loin et sont donc moins impactés par ce conflit. Comment est-ce que le président Macron, ben, ça me donne l'image d'un père de famille qui, au lieu de s'occuper du malheur de ses enfants, irait les mettre en danger pour un voisin éloigné que l'on ne connaît pas. Je me demande, et là c'est de l'irresponsabilité, une irresponsabilité qui n'est pas qualifiable. Comment peut-on mettre ses enfants en danger, donc le peuple français, je parle de Paris, au profit d'un pays avec lequel nous n'avons pas de relation. Et moi, le reproche que je ferai d'ailleurs à Vladimir Poutine, moi je lui fais un seul reproche, c'est, et ça a été évoqué par un précédent interlocuteur, c'est l'excès de patience. Il a été, je ne sais pas, quand on excède la patience, ça devrait être qualifié autrement. Je ne vais pas être désagréable sur le président Poutine, mais comment a-t-il pu patienter 7 ans ou 8 ans de rapprochement de l'OTAN de ses frontières et l'obliger à réagir encore? Je dirais qu'il réagit de manière très, très équilibrée. Mais moi, je lui reproche au président Poutine d'avoir attendu presque 7-8 ans et avoir laissé l'OTAN se rapprocher des frontières, sachant que l'OTAN disait à qui voulait l'entendre qu'il n'était pas question de cela. Donc, on se base effectivement sur le mensonge. Vous savez, je ne suis pas un complotiste. Mais alors là, pas du tout. Mais les choses sont quand même claires. Il suffit de ne pas sortir d'un asile psychiatrique pour comprendre un peu ce qui se passe. Hein. Et donc, je me pose la question sur l'intérêt que le président Macron a à mettre sa population en danger économique. Je veux dire que l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz, à croire que tout ce qui est fabriqué dans le monde a augmenté parce que tout est fabriqué en Ukraine. Je ne sais pas comment c'est possible. Et voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout cela. Isoler le président russe, bah, par exemple, notre président algérien, Abdelmadjid Tebboune, sera en Russie, en visite d'État, juste après avoir visité Macron en France. Donc ça ne changera absolument rien. Je pense que tous les pays, en tout cas dignes et fiers, et qui veulent se débarrasser de cette hégémonie, sont derrière Vladimir Poutine et la Russie. Pas simplement derrière la personne de Vladimir Poutine, mais derrière le concept qui tend à se dissocier d'un fonctionnement mondial qui n'a pas laissé, qui n'a laissé aucune preuve d'humanité envers tous les pays qui devaient être aidés par la communauté internationale. Voilà ce que j'aimerais en dire. Alors, M. Alain G. Meunier, quelle a portée de ce poste? Quelle a portée d'être à la tête de la présidence, du moins être à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU? Mais écoutez, je parlais tout à l'heure, bon, c'est vrai que je m'inscris pas en faux face à ce que les autres ont dit tout à l'heure. En revanche, je crois que c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une puissance qui va se dégager de cela, bien évidemment. Il n'y a pas quelque chose de magique qui se passera. En revanche, ce qui est sûr, c'est que probablement, la Russie fera écho de cette présidence, je précise toujours tournante, hein, parce que bon, c'est le mois d'avril, en quelque sorte, je crois que les dossiers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la réunion du 10 et la réunion du 24, c'est sûr que la Russie fera parler sa voix. La Russie mettra en face, enfin, ces autres puissances, n'est-ce pas, de l'OTAN, en face de leurs responsabilités, de manière à ce que le monde entier sache et comprenne que, en réalité, ces gens ont toujours violé les règles internationales, le droit international, par leur guerre, par leur façon de faire, par leurs indignations sélectives. Et bien évidemment, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que les gens ont peur, les États-Unis qui parlent d'incongruité ont peur, alors que la Russie, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas engagé une guerre en Irak, la Russie n'a pas engagé une guerre en Libye. On sait ce que la guerre libyenne cause aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens sont allés violer, n'est-ce pas, une résolution onusienne et sont allés tuer un chef d'État, en l'occurrence Muammar Kadhafi, alors que ce n'était pas ça que disait la résolution, je crois, 1973 des Nations Unies. Ça veut simplement dire que ces gens ont toujours, toujours violé le droit international. D'ailleurs, après cette guerre en Libye, qu'est-ce que Poutine avait dit? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'historiens, bon, je dis que je les nomme les éditocrates, hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur les chaînes de télévision occidentales, qui ne comprennent rien à rien, qui ne retiennent aucune leçon du passé, et qui ne finalement ne maîtrisent en réalité ni la géopolitique internationale, ni le droit international, à partir du moment où, après cette guerre libyenne, le président Poutine avait dit ceci, plus jamais ça, en précisant ceci, ça ne se passera plus comme ça. On ne peut pas aller violer la résolution onusienne, et je crois que la Chine et la Russie avaient regretté, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies, de s'être abstenus. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Il faut écouter, n'est-ce pas, les grands dirigeants du monde, notamment Poutine, qui a toujours été très cohérent. Les autres ont tel manque de cohérence et s'appuient sur, effectivement, je parlais tout à l'heure de propagande, c'est-à-dire sur un mensonge qu'ils vous font gober et bien évidemment prennent, finalement, tout le monde, ils nous prennent, en fait, nous, hein, on va dire, pour des gobe-mouches, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens se réveillent. Il y a des gens qui disent la vérité. On peut partout aujourd'hui. Donc, effectivement, ces gens ont beaucoup plus peur, n'est-ce pas, de ce qui va se passer demain. Parce que, comme je le disais tantôt, en face de leurs responsabilités, ils ne pourront pas justifier aujourd'hui, notamment la livraison d'armes à l'Ukraine, au nom d'un principe que personne ne comprend, alors que ces gens sont restés silencieux pendant 8 ans. C'est-à-dire quand la junte de Kiev assassinait des enfants, assassinait des civils dans le Donbass. Il faut le savoir. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi la Crimée a été prise en 2014? Simplement parce qu'il y a eu coup d'État. C'est-à-dire que le président élu démocratiquement en Ukraine a été renversé par justement cette junte-là, justement par les États-Unis, par l'OTAN en l'occurrence. On a vu pendant, n'est-ce pas, cette pseudo-révolution du Maïdan les diplomates américains distribuaient des croissants à ces manifestants-là. Donc, on comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Et justement, on parlait, je crois que c'est David qui parlait de la patience de Poutine. Vous vous rendez compte? 2014, 2022, une patience énorme en disant à ces gens-là que arrêtez. Et pourquoi il a pris la Crimée? Il a pris la Crimée simplement parce que l'OTAN se rapprochait de Sébastopol avec cette prise de pouvoir de ces gens-là. Et donc aujourd'hui, ils ont peur parce que il y aura des choses qui seront dites et le monde entier sera au courant de cela. Je pense, hein, je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression que lors de ces réunions-là, 10, 24, ces gens vont peut-être fuir la Réunion. Et je vous dis, moi je les connais, ces services du boycott, c'est-à-dire que, par exemple, les ministres, pardon, des Affaires étrangères ne se déplaceront pas, ils envoieront leurs conseillers, etc., pour essayer de minimiser la portée. Mais la portée sera mondiale, il faut le savoir, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la Russie compte. On a vu des gens dire que la Russie allait tomber par rapport à cette guerre en Ukraine, mais aujourd'hui, la Russie est en train plutôt de s'enrichir. Et il y a un gros risque aujourd'hui mondial. Vous savez que le dollar, n'est-ce pas, c'est la planche à billets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs États au niveau des BRICS veulent commercer avec leur monnaie, les Indiens avec leur roupie, les Russes avec le rouble, les Chinois avec le yuan, etc., etc. Donc il y a un gros risque de la perte de ça, de puissance des États-Unis à cause de leur monnaie de dollar. On a vu aujourd'hui. Ces gens, ils se sont liés à la Chine et à la Russie, c'est-à-dire les pays de l'OPEP, qui ont décidé notamment de ne plus produire, de baisser leur production, n'est-ce pas, de pétrole. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y aura une flambée des prix. Or, quand un État compte sur le pétrole, ce pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, ce pétrole qui vient des Émirats, ce pétrole qui vient de Russie, etc., comment vont-ils faire? Surtout si ces gens commencent à commercer entre eux avec leur monnaie locale. Donc il y a cela. Et aujourd'hui, ces gens, je crois qu'ils ont mal compris ce qui se passait en Ukraine. Ils auraient dû laisser forcément la Russie faire son opération spéciale, qui est très modérée d'ailleurs. Et aujourd'hui, justement, ils seront face à quelque chose qui va finalement les dépasser. Parce que non seulement la Russie n'est pas tombée, au contraire. La Russie a pu se développer, on l'a vu sur le plan agricole, sur le plan des industries mécaniques, ce qui se passe là, par exemple au niveau des armes, etc. On disait qu'il n'y allait plus avoir d'obus en Russie et tout ça. Or, il y en a encore beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés par rapport à tout ce boycott-là. Donc aujourd'hui, la Russie entre dans une ère de grande, grande puissance avec la chute du dollar qui arrive. Et donc, je crois que quand vous n'avez pas de ressources, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi, notamment, ces gens-là baissent la production du pétrole? Simplement parce que les Occidentaux se disent, on ne va plus utiliser le pétrole, nous allons faire des voitures thermiques. Mais le problème, c'est quoi? Et là, je ne passe pas du coq à l'âne, mais je précise ce qui peut se passer demain. Ça veut dire que si les Africains se concentrent et travaillent entre eux, c'est-à-dire les voitures que ces gens veulent produire, électriques et tout ça. Mais d'où viennent les produits pour ces voitures-là? Le cobalt. D'où vient le fer, l'acier? D'où vient notamment des produits pour que ces nouvelles industries-là soient mises en place? Tout ça vient d'Afrique. Donc, vous imaginez, si la Russie prend effectivement l'Afrique aujourd'hui comme ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest qui va vers la Russie. Aujourd'hui, on a vu la République centrafricaine avec la Russie. Donc, il y a un gros, gros, gros risque. Vous vous rendez compte, il y aura une récession un peu partout, en Occident notamment et aux États-Unis. Donc, essayez de faire ce rapprochement-là et vous comprendrez que ces gens ont terriblement peur du fait que la Russie parle au monde. Et eux, aujourd'hui, leur discours ne passe plus au niveau du monde. Parce qu'on va leur rappeler leurs méfaits au niveau du monde. On va leur rappeler la Libye, on va leur rappeler l'Afghanistan, on va leur rappeler l'Irak, et on va leur dire que, mais écoutez, ce qui se passe en Ukraine, vous n'avez rien dit pendant 8 ans, aujourd'hui, ne venez pas, passez-moi l'expression, nous saouler avec vos histoires à dormir debout, livraison d'armes à l'Ukraine, etc., etc. Donc ces gens ont effectivement peur, et l'alliance pour chuter, sino-russe risque de faire très très mal dans le futur. Donc il faut faire très attention, et il faut comprendre que ces gens-là, au lieu de s'aligner et d'être juste, beaucoup plus juste, continuent, n'est-ce pas, leur propagande en voulant surjouer, en croyant qu'ils sont encore hyper puissants, alors que ça, c'est terminé aujourd'hui avec ce qui est en train de se préparer demain, avec ces alliances BRICS. Et puis, bien évidemment, il faut le rappeler que les BRICS, aujourd'hui, au niveau de l'économie mondiale, c'est plus de 50% de l'économie mondiale. Il faut le savoir. Et donc, vous vous rendez compte, si l'Afrique aussi rentre dans ce créneau-là, l'Occident et les États-Unis sont complètement perdus. Il faut le savoir. C'est pour cela qu'il y a cette petite guerre aujourd'hui où on se peut aller sur la Russie parce que la Russie reste forte et au contraire, elle même devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Voilà. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, nous sommes en train de... Voilà, nous sommes sur la ligne droite, la dernière ligne droite de ce programme. Présidence du Conseil de sécurité, des pouvoirs en plus que les autres membres du Conseil de sécurité ayant un droit de veto. Quelle est la portée de ce poste? C'est un poste, c'est d'abord une présidence tournante, c'est pas exactement. C'est prévu par les textes des Nations Unies. Ça permet à chaque pays de présider les travaux et les travaux sont régis par ce qu'on appelle les procédures parlementaires. Les procédures parlementaires, c'est des mécanismes institutionnels par lesquels on prépare une réunion formelle, on prépare l'agenda de ces réunions, on se retrouve en groupe certainement d'intérêt et on pratique un lobbying avec également d'autres acteurs, auprès d'autres partenaires potentiels, ou bien auprès de pays qui n'ont pas encore pris position afin de les amener à adhérer à nos positions. Et les réunions portent sur un ensemble de questions qui ont été reçues pendant les phases de préparation de la réunion formelle parce que l'agenda adopté est discuté à l'informel entre les membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire ceux permanents et ceux qui sont au Conseil. Et finalement, lors des réunions, ils peuvent échanger sur des questions qui sont à l'agenda. Donc, ce n'est pas un travail tout à fait particulier. L'avantage, c'est que cette fois-ci, c'est la Russie qui a l'avantage des initiatives. Et certainement, la Russie, avec ses partenaires, saura jouer les cartes, parce que ce n'est pas le président du Conseil de sécurité qui pose sur la table les motions à débattre, c'est les partenaires, les différents partenaires qui, après avoir vu l'agenda qui a été proposé par le Conseil, qui vont venir soit soutenir ou bien ne pas soutenir les résolutions. Donc, ce que va faire la Russie, c'est simplement apporter des dossiers au maximum qui fâchent. Parce que hier, s'ils recevaient des autres délégations, si eux, ils trouvaient que les délégations avaient déjà sur la table posé un ensemble de dossiers, eux, ils vont privilégier les dossiers, par exemple, celui, la plainte du Mali. Ils vont privilégier cela parce qu'ils vont certainement contacter le ministre Diop pour lui dire, mais ton dossier-là, c'est comment? Il faut déjà envoyer ça sur la table. Ça sera l'un des dossiers prioritaires. La question de l'enquête de Nord Stream, ça sera prioritaire. La question des enquêtes sur les différents pseudo-génocides en Ukraine, pour les Russes, ça sera prioritaire. Parce que justement, pour eux, c'est le moment de montrer très vite que les Occidentaux ne veulent pas jouer sur les règles. Les Occidentaux veulent à tout prix jouer en dessous des règles. Parce qu'ils savent que les règles ne sont pas à leur avantage. Nous sommes dans un combat sur les règles au niveau international où les Russes savent qu'ils ont aujourd'hui l'avantage de l'initiative et ils ont la capacité d'inverser la perception, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes en plein la Troisième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale se déroule sur des territoires localisés. Vous avez le territoire de l'Ukraine qui est un des territoires. Vous avez le Sahel qui est un des territoires. Vous avez même le Cameroun, entre le nord du Cameroun et l'Ambazonie, la partie sud-ouest et nord-ouest, qui est un des territoires miniaturisés. C'est sauf que sur nos territoires camerounais, les acteurs étrangers n'ont pas encore manifesté leur intérêt à participer auprès des forces obscurantistes. On a circoncis. Tout à fait, le Cameroun, avec surtout le combat des panafricanistes. Exactement. La Syrie, c'est un des territoires de cette guerre mondiale localisée. Vous avez d'autres territoires en Asie et ces territoires-là. Aujourd'hui, vous allez remarquer... Par exemple. Tout à fait. Vous allez remarquer qu'il y a des coalitions, des micro-coalitions qui sont faites dans chaque espace où il y a ces territoires de bataille-là. Et ces batailles-là, la guerre se gagne aussi par la perception. Elle n'est pas seulement par les armes. Et la perception permet celui qui se présente comme étant le défenseur de la justice vers le plus de peuple, celui qui se montre le plus attractif par son côté moral, par sa beauté morale, par ses arguments moraux, par son éthique. C'est celui-là qui certainement engrangera le plus d'alliés. Et ce qui a permis à la Russie d'échapper à la tentative d'isolation, c'est justement que la Russie bénéficie de cette image positive qui est un problème de perception à l'international. La Russie est perçue comme une puissance beaucoup plus morale que l'OTAN, d'une puissance beaucoup plus éthique que l'OTAN et une puissance qui assume ses engagements auprès de ses partenaires sans fourberie beaucoup plus que l'OTAN. Donc la Russie va encore travailler au Conseil de sécurité de manière stratégique pour renforcer cette image d'elle. Et on a remarqué que quand cette image est renforcée, ça renforce également sa crédibilité auprès de nouveaux partenaires. Donc dans les alliances micro qui seront créées sur les différents territoires de bataille, c'est le moment pour la Russie de se constituer le maximum d'alliés. Parce que cette Russie n'était pas au début de cette guerre mondiale en Syrie. Cette Russie n'avait que très peu d'alliés. Mais regardez, depuis le déclenchement de l'opération militaire spéciale et la grande contre-offensive occidentale, la Russie n'a fait que gagner en alliés dans le monde. Si bien qu'aujourd'hui, la Russie menace d'isoler l'OTAN. On a un OTAN qui est davantage dans une situation d'organisation en isolation. Les peuples de la Terre décrivent tous l'OTAN. Tous les peuples de la Terre, ou du moins la majorité, se méfient de l'OTAN. C'est le moment donc au Conseil de sécurité pour la Russie de jouer encore sur les règles et de décrédibiliser l'OTAN. Il faut noter que la perte de l'OTAN sera aussi un élément, sera aussi décidé par la perception que la majorité des peuples de la Terre auront de cette organisation. Si, même au sein des peuples qui sont dans l'OTAN, c'est-à-dire dans les États où l'OTAN a déjà des accords, si la perception vient à être inversée, vous verrez que la tendance de ces peuples sera au renversement des États, des dirigeants pro-OTAN et à une sortie de l'OTAN. Et donc, une implosion de l'intérieur de l'OTAN. C'est une manœuvre stratégique très importante que les Russes devront apporter au Conseil de sécurité. Et le diplomate Sergei Lavrov et son équipe, Nebenzia, qui est le représentant, ainsi que les Polianski, qui sont représentants au niveau des Nations Unies, ils vont encore montrer aux yeux du monde que leur expérience au poste n'est pas inutile. Plutôt, c'est un élément d'efficacité dans les négociations internationales. Beaucoup félicitent cette présidence, mais il convient de le souligner, il s'agit d'une présidence tournante pour le mois d'avril. Mais beaucoup espèrent que la Fédération de Russie puisse mettre sur la table des débats ou alors donner une réponse positive à la demande de la République du Mali pour la présentation des preuves contre la France. Quelle lecture faites-vous des différents enjeux qui se présentent aujourd'hui? Vous savez, là, les États, le bloc capitaliste a ses éléments, a ses différents chevaux, ses différents canaux qu'il passe. Et Monsieur Bernard-Henri Lévy a été reçu dans une émission. Et il avait dit que la place de Vladimir Poutine est devant le tribunal pénal international, c'est-à-dire la CPI. Et que M. Vladimir Poutine est un terroriste d'État et qu'il ne se conduit pas très différemment des islamistes de Daesh. Et ça ne fait pas longtemps, on vient de sortir un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine par la CPI. Et M. Vladimir Poutine est allé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays membre de la CPI, c'est-à-dire qui a signé le traité de Rome. Personne n'a pu mettre main sur lui. Aujourd'hui, on a tout fait. Vous savez, l'histoire ne ment pas. L'histoire ne ment pas et tout fait qui entre dans l'histoire à un moment donné permet que l'histoire soit en faveur ou bien d'un camp ou d'un autre. Quand les États-Unis et ses laquais veulent diaboliser la Russie et son leader naturel et charismatique, Vladimir Poutine, les événements du monde lui donnent la possibilité de s'exprimer. D'ailleurs, c'est notre ami le franco-algérien qui est en studio, qui est sur Zoom, qui était en train de dire tout à l'heure, les gens ont pris des décisions contre la Russie en suspendant la Russie du système SWIFT, en suspendant la Russie de l'économie européenne et tout le reste. Mais finalement, la Russie s'est plus enrichie. La Russie a plus d'argent maintenant que avant les sanctions. Et c'est l'Europe qui est en train de tomber. Donc vous voyez qu'en réalité, tout, c'est comme si tout est en train de concourir. C'est pour ça que Romains 8, le verset 28 dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » Tout concourt pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et nous croyons que Vladimir Poutine et la Russie actuelle sont dans les desseins de Dieu. Parce que tout est en train de concourir à leur faveur. Quand vous suspendez les médias russes et tout le reste, c'est comme si la grandeur de la Russie ne fait que se multiplier. L'aura de la Russie ne fait que se multiplier. L'amour pour la Russie et son leader charismatique ne fait que se multiplier. En fait, tout ce que le bloc américain et européen ont fait pour empêcher la Russie de rayonner a plutôt aidé la Russie de devenir un très grand leader. Et surtout dans notre continent. Regardez seulement l'implication de la Russie sur deux États africains. Comment c'est en train de faire chambouler les choses. L'implication directe, c'est-à-dire la Russie s'est impliquée en Centrafrique et à bouleversement. Le monde est en train de trembler. Le Centrafrique aujourd'hui est respecté. Le Centrafrique respire. Regardez l'implication de la Russie au Mali. Le Mali aujourd'hui parle fort au Conseil des Nations. Donc vous voyez que l'image, et c'est Jonathan qui le rappelait, juste dans la perception des choses. Quand on perçoit les choses, quand on regarde, quand on visionne, on aperçoit et on regarde tout ça, on comprend que la Russie est en train de prendre le pas qu'il faut, en train de grandir, est en train de devenir un très grand géant dans le concert des nations. Et aujourd'hui, mois d'avril, est en pleine opération spéciale où tout le monde le diabolise, où le Mali porte plainte, où certains dossiers sont véritablement à mettre sur la table du Conseil de sécurité, c'est la Russie qui prend la tête tournante. Donc, Céleste, il n'y a rien de hasard. Et quand nous regardons ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous pouvons dire la Russie va justement, en si peu de temps, mettre à l'ordre du jour ces dossiers que les autres ont longtemps cachés ou bien n'avaient pas le courage de présenter à la face du monde. Et je pense que ça va ouvrir aussi les yeux aux gens. Parce qu'en réalité, le Mali va s'exprimer. Il suffit juste que la plainte est déposée et les preuves sont demandées. Le Mali vient présenter et c'est filmé en direct. Même si France 24 ne va pas montrer, même si BBC ne va pas en parler, RFI, même si les autres ne vont pas parler, nous, on serait aux aguets, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous, Afrique Média, les autres médias panafricains et tout le reste, vont présenter ça à la face du monde. Voici ce que le Mali a dit au Conseil de sécurité. Et voici la résolution qui a été prise. Voici les enquêtes qui ont été recommandées. Donc, nous pensons que les différentes réunions que M. Meunier a présentées, qui vont se tenir, en quelques jours, beaucoup de choses peuvent se passer et véritablement, nous espérons et nous savons que la Russie va marquer cette présidence tournante d'une pierre blanche. Vraiment, la fumée blanche va sortir de ce Conseil de sécurité-là. Monsieur Djamé Guesson, pour refermer cette émission, quel pouvoir, des pouvoirs en plus pour un président du Conseil de sécurité de l'ONU, même pour un mois, ou alors le président du Conseil de sécurité de l'ONU a les mêmes prérogatives, jouit des mêmes prérogatives, des mêmes droits, des mêmes privilèges que les autres membres ayant droit de veto. Monsieur Djamé Guesson, vous avez la parole. Vous m'entendez? Nous vous recevons. Vous m'entendez? Nous vous recevons, M. Djamé Guesson. Très bien. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est deux choses très rapidement. Tout d'abord, effectivement, comme l'a dit l'un des collègues, il y a beaucoup l'aspect symbolique de la présidence du Conseil de sécurité, mais en même temps, il y a aussi les effets pratiques qui consistent à mettre sur la table des dossiers importants. Il n'empêche que lorsque la différence, par exemple, qu'il y a avec le Mozambique, parce que c'est le Mozambique qui présidait le Conseil de sécurité jusqu'au 31 mars, c'est que le président Poutine et la Russie ont un droit de veto. Et donc, ils sont en force, d'abord pour rayonner d'un point de vue politique et mettre à jour et sur la table des dossiers qui semblent importants, tels que le Mali, l'OTAN et d'autres sujets. Et donc, c'est important, c'est absolument capital que la Fédération de Russie utilise ce mois de présidence pour mettre sur la table des dossiers et des demandes d'enquête qui sont dans les tiroirs depuis des mois et réclamées notamment par le Mali. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'une présidence qui dure un an où on pourrait éventuellement mettre en place une stratégie beaucoup plus large, mais il n'empêche que en un mois, et surtout à ce moment-là, à ce moment particulier, il ne s'agit pas de un mois en 2017, mais là, actuellement, ça revêt d'une importance capitale, aussi bien d'un point de vue symbolique que d'un point de vue pratique. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet-là. Nous refermons ce programme. Merci infiniment, M. Djamé Guesson, d'être passé ce soir sur les antennes de la télévision panafricaine. Merci à vous. À très vite pour un autre rendez-vous du savoir. Monsieur Djamé Guesson, vous êtes expert, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires, mais également chercheur en sciences sociales. Monsieur André-Christelle Forga, merci d'être venu. Mais Céleste, c'est moi qui te dis merci de m'avoir invité pour une émission aussi importante et rappeler que les enjeux sont les enjeux de la communication. Savoir communiquer, savoir ce qu'on regarde, savoir ce qu'on écoute. Vraiment, il est hyper important que les Africains sachent faire le bon choix. Vous êtes analyste politique, mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi. Merci d'être venu sur Afrique Média, sur ce plateau de la télévision panafricaine. Monsieur Jonathan Batengene, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Madame Capen. Le monde est en plein basculement. Nous sommes en plein la Troisième Guerre mondiale. Pour tous ceux qui l'attendent, scrutent de la voie déclenchée par des missiles à longue portée, Elle a commencé depuis la guerre en Syrie. Elle se poursuit dans le Sahel. Elle se poursuit dans le golfe de Guinée. Elle se poursuit sur d'autres territoires. Les États-Unis prévoient d'attaquer bientôt la Bolivie. Donc ça sera certainement un nouveau territoire en Amérique latine. Ils ont des territoires qu'ils ont déjà ciblés. C'est Taïwan avec la Chine. Donc, il y aura plusieurs territoires. Les alliances sont en train d'être formées. Elles peuvent être défaites. Elles peuvent se réorganiser parce que les intérêts politiques changent parfois en fonction des circonstances et des situations. Mais nous, panafricanistes, nous devons avoir à cœur un seul élément. Notre intérêt supérieur, c'est l'Afrique, la libération de notre continent, la reprise de notre historicité et la dignité de tous les Africains partout où ils se trouvent dans le monde. Vous êtes sociopolitiste, Monsieur Jonathan Matengene. Monsieur Alain Gémenier, merci pour votre participation ce soir. Merci à vous, Céleste, pour cette invitation. Je voudrais remercier aussi ces échanges qui ont été très fructueux, Monsieur Fanga, Monsieur Matengene, Monsieur Djamel, et bien évidemment Afrique Média pour cette belle soirée. Je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Vous êtes analyste politique, mais également journaliste. Et c'est ici que nous refermons ce programme. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Merci de toujours faire confiance en la télévision panafricaine. Le combat continue chez Afrique Média. Libération totale de l'Afrique. Éveil considérable des consciences. À très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir. Afrique Média. Le monde, c'est nous.